Alors bonjour à tous, oui donc... Si tu veux le micro, tu peux l'allumer. Je sais pas si vous m'entendez ou si... Vous m'entendez bien, ça va? Alors oui, donc je suis doctorant au laboratoire Cresson, donc sous la direction de Grégoire Chelkoff. Et donc sur la thématique, effectivement, de l'articulation entre ambiance sonore et outils numériques. Donc je m'interroge depuis longtemps sur l'articulation possible entre l'espace, les sons et leur conception. Et en fait, c'est de cette façon, en liant ces interrogations-là, à la fois avec les possibilités offertes par les nouveaux outils numériques et aussi les perspectives de recherche du laboratoire Cresson, qu'a émergé ce questionnement d'un agencement entre les deux, c'est-à-dire entre ambiance et outils numériques. Alors la problématique que j'ai formulée ici, même si elle peut changer ensuite... cherche à interroger en fait le potentiel des outils numériques pour la conception et l'évaluation des ambiances acoustiques. Alors pour répondre à cette interrogation, je vous présente directement l'hypothèse générale de laquelle je pars, qui est spécifiquement axée sur le sonore donc, et qui postule que le sonore constituerait une ressource pour la conception sensible de l'espace. Alors pourquoi cette première hypothèse? Si on reprend l'articulation entre son et espace, et qu'on revient un peu en arrière, on se rend compte qu'on va vite devoir s'intéresser à ce qu'on appelle l'acoustique. Et donc j'ai voulu un peu me poser la question de savoir qu'est-ce que c'était l'acoustique, donc qu'est-ce que c'est que l'acoustique. Le terme acoustique en français, il a émergé avec Joseph Sauveur, qui l'a créé à partir du grec « akoustikos », qui veut dire qui concerne l'ouïe, et aussi du grec akouo, qui signifie entendre. Donc la conjonction de ces deux termes grecs, en fait, ça nous explique que l'acoustique désigne une science de ce qui traite de l'ouïe, et par dérivation qui va qualifier aussi les modes et les objets qui traitent de l'ouïe. Donc d'abord d'un adjectif, comme on le voit là, l'acoustique, ensuite, a été employée plus spécifiquement pour qualifier la qualité de propagation des sons dans l'espace, donc, en tout cas dans un espace. Et donc, à ce moment-là, à cet effet-là, c'est rapproché de l'architecture. Donc, l'acoustique architecturale, elle a émergé bien avant que le terme existe, et notamment chez les Grecs, à une époque où n'existaient pas du tout les systèmes d'amplification, et ce qu'on appelle les systèmes actifs, et on a dû nécessairement développer des systèmes passifs, capable de faire entendre. Donc là, vous avez le théâtre d'Épidaure, qui est un exemple très connu. C'est le premier exemple, en Europe en tout cas, qu'on connaît d'acoustique architecturale, où si vous vous placez au dernier rang de l'amphithéâtre, c'est-à-dire à 60 mètres de la scène, vous pouvez entendre distinctement un acteur au centre de la scène. Et encore aujourd'hui, même si récemment on a quelques explications, encore aujourd'hui on a certains doutes sur les façons dont ça a pu être conçu. Et comment ça marche, même avec les outils qu'on a aujourd'hui. Alors, où je veux en venir avec ça, c'est qu'on s'est rendu compte, et c'est ainsi que l'acoustique est devenue une science intimement liée à l'architecture, plus qu'un qualificatif, justement, c'est que le son était dépendant de son environnement, et notamment de son environnement construit. Donc c'est cette première articulation, d'abord intuitive, comme on l'a vu chez les Grecs, puis ensuite théorisée notamment par Sabine, qui est primordiale pour nous, puisqu'elle permet de considérer le son, non pas comme un élément, comme une donnée isolée, mais bien comme un phénomène associé à son milieu. C'est à partir de ça que je pars et c'est ce que je propose ici, c'est d'aller plus loin dans cette direction et donc dans la lignée de ce qui a été théorisé au laboratoire Cresson, c'est-à-dire de considérer le son phénomène comme partie d'un tout et donc partie d'une ambiance. C'est donc cette articulation précise et qui est constituante même de l'existence du son qu'on perçoit, puisqu'un signal physique, s'il n'est pas perçu en réalité, on pourrait presque dire qu'il n'existe pas, qui me conduit vers cette réflexion. Ne peut-on pas essayer de considérer le sonore comme piste de conception de l'espace et de ses phénomènes sensibles? Donc c'est une autre façon de formuler sous forme de question l'hypothèse que je vous ai présentée au début. Donc en effet, si le son est parti d'un tout comme phénomène, On comprend qu'en cherchant à le penser dans l'espace, on va nécessairement l'articuler à l'ensemble qui constitue l'ambiance. Et c'est comme ça qu'on en vient à postuler donc, ce qui pourrait être un moyen à la conception ambientale spatiale. Après cette première hypothèse, donc, qui chapeaute un peu l'ensemble de mon travail, je me pose la question de comment la tester, cette hypothèse, et à travers quels moyens. C'est-à-dire, par exemple, quels outils existent aujourd'hui pour penser le son dans l'espace. Est-ce qu'on pourrait, avec les outils actuels, tester cette hypothèse? Et est-ce que ces outils sont en adéquation avec les caractéristiques que l'on vient d'énoncer? Alors pour ça, je me suis intéressé tout d'abord aux outils conventionnels d'évaluation acoustique. Donc là, j'ai mis deux exemples très connus, il y en a des tonnes, mais j'ai mis deux logiciels qui sont très connus et très utilisés. Donc, dans l'évaluation acoustique en architecture et dans la conception spatiale en général. Et j'ai fait plusieurs constats. Premièrement, bon, c'est pas forcément ce qui importe ici, mais c'est quand même important de le préciser, ils sont très coûteux et très compliqués. Deuxièmement, ils posent un problème quand même si on s'interroge sur la qualité sonore de l'espace, puisqu'ils nous présentent principalement des valeurs mesurées qui sont séparées les unes des autres, comme par exemple le temps de réverbération ou la pression acoustique, et qui sont souvent encore en plus séparés par bande de fréquence, ce qui rend vraiment difficile l'appréciation qualitative générale d'un espace sonore. Donc par exemple, si on préconise ce qu'on a l'habitude de préconiser, un temps de réverbération entre 0,6, 0,7, 0,8 secondes pour une salle de cours ou une salle de conférence, 2 à 3 secondes pour un orchestre symphonique ou un opéra, ces valeurs-là, elles ne renseignent pas du tout sur la spécificité de ces réverbérations, et encore moins sur la perception sonore globale qu'on peut en avoir. Le troisième point, c'est aussi que ce sont des outils d'évaluation qui se positionnent dans une étape de validation, et que dans le projet, ils n'incitent pas du tout à articuler le sonore aux autres enjeux de conception. Donc on est face à des outils qui proposent d'isoler un phénomène sensible des autres, en le considérant comme une donnée, comme une composante de l'espace, comme si on pouvait, en additionnant une qualité sonore, c'est ce qui nous intéresse, mais à d'autres choses, une qualité thermique, une qualité lumineuse, une qualité aérolique, une qualité, et vous pouvez insérer tout type de qualité que vous voulez ici, tactile, etc., on obtiendrait une architecture de qualité. D'ailleurs, le choix des icônes, je me rends compte que c'est plutôt significatif, parce que ça signifie bien l'isolation des... la pensée par élément dissociée. Quoi. Donc en contre-pied de cette approche, et par rapport à ce que je vous ai présenté avant, ce que j'essaye de proposer, ce qu'on veut mettre en place pour tester notre hypothèse, et donc qu'on ne trouve pas dans les outils conventionnels, c'est cette articulation des phénomènes sensibles ensemble dans un outil qui rendra compte des qualités sonores des espaces qui peuvent résulter d'une composition architecturale. Et donc de proposer un outil polyvalent, et j'irais même jusqu'à dire versatile, qui pourrait s'adapter à des situations de composition et de conception du son dans l'espace. Donc pour ça... je vais essayer de réfléchir à un outil capable non seulement de permettre la conception sonore d'un lieu, mais aussi de l'articuler avec les autres phénomènes sensibles. Alors, le but, c'est pas de simplement les juxtaposer, ces phénomènes, mais plutôt de prendre la piste où on va essayer d'inciter à les considérer. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de penser la conception sonore comme une porte d'entrée, ou même plutôt comme un levier vers la conception ambientale, qui nous pousse vers la conception ambientale. Cet outil donc, de conception sonore, il se base aussi en partie sur une recherche à laquelle j'ai participé, et qui s'appelle Esquisson. Et donc Esquisson qui propose, sur la base de plusieurs enquêtes de terrain, de s'interroger sur les dispositifs de façade de l'environnement urbain, pour ensuite... venir formaliser un outil d'esquisse sonore. Donc sur cette base, sur cette recherche-là, sur cette base dont on dispose, à la fois sur un plan théorique mais aussi sur un plan pratique, on va chercher à construire une double interrogation, une qui est reliée, comme on l'a dit, à l'articulation entre son, espace et ambiance, et une autre qui est associée à l'outil lui-même, parce qu'à ce moment-là, on en arrive à se poser la question du sens fondamental de l'outil. Si on veut faire un outil, qu'est-ce qu'un outil ? Et à sa place dans le processus de conception architecturale. Donc pour résumer rapidement ce que je viens de dire, en interrogeant le sonore, donc j'essaye de montrer qu'il fait partie d'un tout et qu'il est phénomène d'ambiance. Et on présuppose que par ce lien étroit entre les phénomènes, réfléchir à l'un d'entre eux, en l'occurrence le sonore, comme élément d'un tout, ça pourrait non seulement nous permettre de concevoir des espaces sonores, donc des relations entre son et espace, de manière qualitative, mais aussi de sensibiliser et d'orienter vers une pensée des ambiances pour la conception architecturale. On propose donc de réfléchir à une méthode pour le considérer comme tel, et on a regardé les outils qui proposent déjà aujourd'hui des considérations acoustiques. Donc ça, c'est tout ce que je vous ai expliqué avant, et à partir de ces premières étapes, donc, qui nous permettent de nous positionner à la fois dans un cadre théorique, mais aussi de formuler l'hypothèse principale qui est venue au tout début, on cherche à s'interroger plus précisément sur l'élément central, l'élément phare dans ce travail, c'est-à-dire l'outil. Pourquoi ? Parce qu'il est à la fois le centre des interrogations théoriques pour le développer, dans son développement, mais aussi le centre des interrogations pratiques pour le tester lui-même et pour tester notre hypothèse. Alors si on s'interroge sur la question de l'outil, qu'on se penche sur l'étymologie du mot outil, on se rend compte que ça vient plus du terme utilisé ou des termes utilisés ou se servir plus que du terme ustensile. Et on a donc tort d'intuitivement, je dis intuitivement parce que c'est pas la définition, mais en tout cas intuitivement penser l'outil comme objet ou ustensile, là où je pense qu'il est plutôt, en tout cas qu'on devrait plutôt essayer de le considérer comme un moyen. C'est-à-dire que comme un moyen, je vais vite là-dessus, mais ce qui nous intéresse, on peut citer la notion d'objet technique, par exemple, qui désigne plus clairement l'outil comme moyen entre l'homme et la nature, et vice-versa entre la nature et l'homme. Alors pourquoi est-ce que ça nous intéresse ici ? C'est pour arriver à la notion d'instrument, en fait. On va voir après, mais c'est parce qu'on cherche justement à proposer un outil qui n'est pas simplement une interface, comme on l'a vu avec les outils conventionnels d'évaluation acoustique, mais bien un instrument au sens de qu'elle énonce Rabardel, c'est-à-dire un instrument comme une conjonction de l'artefact et du sujet. Et c'est notamment sur ce modèle-là qu'on souhaite baser le développement de notre outil pour qu'il puisse être adapté à une appropriation. C'est-à-dire que, comme le dit Rabardel, un instrument nécessite forcément de générer des schèmes d'utilisation. Et c'est ça qui nous intéresse ici. On se base aussi sur la distinction entre automatisme et adaptativité que fait Simondon et qu'on considère comme être une clé pour la pensée de notre outil, aujourd'hui dans le monde contemporain notamment, où l'automatisme est, contrairement aux représentations communes, un assez bas degré de réflexion technique, là je cite Simondon, et qu'il s'agit de cibler pour nous, en tout cas pour moi, ce qu'il s'agit de cibler, c'est plutôt l'adaptabilité, ce qui permettrait à l'outil d'être sensible à une information extérieure, et aussi de s'adapter aux différents paramètres et usages. Alors pour ça, on propose d'exploiter les potentiels offerts par les nouveaux outils numériques, et notamment les outils de programmation, où l'utilisateur va travailler directement sur la construction de ses algorithmes et sur le processus, en allant de l'esquisse jusqu'à la fabrication. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas face à un artefact avec un algorithme existant, auquel on donne des paramètres et à partir duquel on retrouve quelque chose à la sortie, mais on constitue bien l'algorithme qui va venir transformer les paramètres. Donc ce qui est intéressant, c'est justement ces nouveaux enjeux qui s'opèrent et notamment donc, la place des algorithmes et des processus dans la conception, parce que, comme je vous l'ai dit, le concepteur va fabriquer lui-même son algorithme et donc ses processus. L'idée, c'est de réfléchir à cette mutation du numérique, non pas en cherchant à démontrer les modifications, des enjeux, des modes de projet et des nouveaux paradigmes qui peuvent émerger. C'est un peu provocateur de le dire comme ça, mais en fait, on considère que c'est déjà là. La révolution numérique dont parle Stéphane Vial, elle constitue pour nous le monde dans lequel on évolue aujourd'hui. Et l'enjeu, c'est plutôt de s'emparer du potentiel de ces outils, de se dire qu'est-ce qu'on en fait. Et donc d'exploiter, comme j'ai dit tout à l'heure, ces instruments comme adaptatifs, plutôt que de subir des outils automatiques qui sont encore aujourd'hui très très présents et qu'on nous présente encore comme révolutionnaires alors qu'ils sont le passé. Donc à ce propos-là, j'en viens au dernier point sur l'outil, c'est sur les points que je fais un peu ressortir de mon analyse de qu'est-ce qu'un outil, et qui nous paraît crucial, c'est ce changement de paradigme dont on a parlé et sur lequel on ne veut pas s'étaler ici, mais qu'on trouve important de dire qu'il ne se constitue pas uniquement en un changement d'outil, mais aussi en un agencement unique et adaptable entre les nouveaux outils digitaux et les machines à contrôle numérique. Ça va permettre quelque chose d'assez important et un renouvellement assez fort, parce que ça permet un aller-retour continu entre l'esquisse, la conception, la simulation et la fabrication. Et à travers ces différentes étapes, on voit que les outils sont capables de communiquer ensemble et sont capables de communiquer en cercle. Et donc plutôt que comme on a l'habitude, c'est-à-dire du processus linéaire qui articule les étapes selon une suite logique, donc on voit que l'esquisse va générer la conception qui va ensuite engendrer le projet et enfin qu'on va valider ou invalider. Donc ce qu'on propose, c'est de se positionner par rapport à ces nouveaux mécanismes en proposant non pas un outil d'évaluation, qui va par définition bloquer ce processus cyclique, puisqu'il va venir le valider ou l'invalider, mais bien de se placer à l'intérieur même du processus cyclique, et donc de prendre en considération le fait qu'aujourd'hui, ces étapes-là, elles ne sont plus définies par leur place chronologique dans le processus, mais qu'elles sont bien définies par ce qu'elles font, c'est-à-dire l'esquisse, elle est définie par ce qu'elle est esquisse, mais elle peut très bien réémerger à une étape de conception plus finie. Et c'est pas sa position chronologique qui la définit. Alors toutes ces questions et ces ressources sur l'outil, ça nous a permis de développer un instrument qui est intégré à l'outil de programmation Grasshopper et qui propose pour l'instant donc d'entendre, sur la base de ce qui a été fait durant Esquisson, un espace modélisé et de réagir en temps réel aux modifications en traitant les différentes données physiques, simulées et modélisées. Ce qu'on veut faire avec cet outil, et ce qui est intéressant, c'est qu'il se trouve dans un double rôle, si on reprend un peu les classifications académiques, puisqu'il se positionne à la fois comme la méthode de notre travail de thèse, mais aussi comme le corpus. Alors, j'ai essayé de vous expliquer ça. Donc par rapport à l'hypothèse principale qu'on a formulée, on a décliné, on l'a vu, une sous-hypothèse qui concerne les nouveaux outils numériques et qu'on pense comme un moyen de renouveler une approche sur la qualité sensible des espaces. Et donc à cette fin, on propose de développer un outil de conception de l'ambiance entendue qui va faire à la fois office de corpus, puisqu'il est étudié en tant que tel, mais aussi de méthodes qui permettra de tester notre hypothèse. L'idée, c'est de pouvoir éprouver cet outil dans le cadre, donc en tant que méthode, dans le cadre d'ateliers ou encore de rencontres avec des concepteurs, afin qu'ensuite, il puisse amender à la fois son propre développement, mais aussi les résultats de ce travail. Ce qui est un peu particulier, donc, pour finir là-dessus, dans mon approche, c'est justement cette itération de l'outil qui nourrit à la fois mon corpus en le questionnant et en évoluant, donc en boucle, mais aussi ma méthode pour tester l'hypothèse, puisqu'on a vu qu'on va l'utiliser dans des conditions réelles, et qu'on va ensuite étudier ce qui en résulte. Donc étudier ce qui pose problème avec cet outil, vers quoi il nous emmène et comment on peut le faire évoluer. Et donc pour tester l'hypothèse, on espère qu'on va pouvoir tester cette hypothèse du sonore qui pourrait être une ressource pour la conception ambientale en expérimentant cet outil. Au sein de, donc comme je vous l'ai dit, au sein d'ateliers et aussi auprès de concepteurs spatiaux. Ouais, merci. Scénario. Je vous remercie pour votre présentation. Je poserai une question rapide. Hein. Je trouve toutes ces recherches absolument passionnantes et même du point de vue qui peut être le mien, à savoir plus d'une philosophie esthétique ou des questions. Ça rejoue sous des modalités assez, pas très contemporaines, un bon nombre de questions que se posent les philosophes à propos de l'art, de la perception, du fait d'être en corps, etc. Et simplement, est-ce que vous pourriez me donner plus d'éléments sur la manière dont vous pensez cette notion d'ambiance. Parce que j'ai beaucoup apprécié l'idée que vous cherchiez à prendre le contre-pied d'une conception dans laquelle, au fond, une architecture de qualité serait le résultat ou simplement la somme de parties de qualité. Vous voyez, avec ce petit schéma itératif, il fait beau, il fait chaud, j'entends bien, etc. Donc c'est génial, etc. Donc où il y a bien la prise en compte du fait qu'une architecture de qualité, une ambiance de qualité, c'est quelque chose qui est plus que la somme simplement des parties et où on ne peut pas simplement juxtaposer ou additionner des parties, mais où il y a une intrication d'une autre nature de ce point de vue-là. Et j'avais en fait deux questions à partir de là. Vous interrogez beaucoup, vous nous dites au fond qu'une ambiance, c'est pas simplement la juxtaposition de petits éléments ou de petites parties qui seraient séparées, et en même temps vous évaluez l'ambiance entendue. J'ai pas bien compris, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut évaluer du coup l'un des aspects de ces ambiances sans en refaire simplement une partie. Et comment, du coup, on pourrait évaluer ça par rapport à leur interaction avec d'autres éléments. Vous parliez de la lumière, du côté thermique, etc. Et deuxième aspect ici, vous parliez aussi de l'instrument en tant que il met en relation l'artefact et le sujet. L'évaluation de l'ambiance, me semble-t-il, va forcément prendre en compte celui qui fait l'expérience de cette ambiance. Et comment est-ce qu'on évalue ça? Est-ce qu'on arrive à mesurer simplement les effets en demandant aux gens ce qu'ils s'y sentent bien, etc. Ou est-ce que là aussi il y a une manière de... j'ai l'impression qu'il faut une pensée du sujet, selon ce qu'on va penser comme étant le sujet, selon l'approche qu'on va prendre de ce que c'est qu'un corps et de comment se constitue le corps dans sa perception. Là aussi, les critères d'évaluation de la qualité de l'ambiance seront différents. Donc, simplement, si vous pouvez donner quelques précisions là-dessus. D'accord. Alors, pour la première question, c'est justement tout le défi. Enfin, c'est un peu tout le défi, c'est que on essaye de proposer un outil, ou en tout cas on se questionne sur comment proposer un outil de la conception des ambiances sonores, et on part du fait qu'en fait on ne peut pas les dissocier, c'est exactement ce que vous dites. Et c'est là où ça me semble intéressant, c'est qu'en fait on ne va pas essayer de, encore une fois, proposer un outil qui va articuler les choses ensemble et qui au final va de toute façon les détacher, puisqu'on doit se baser sur de la donnée, de toute façon. Mais plutôt c'est ce que je ne sais pas encore. Comment ça va être faisable, hein. Mais en tout cas les pistes c'est d'induire à cette conception ambientale, c'est pas de proposer un outil qui fait tout et qui juxtapose, parce qu'on va retourner dans dans une pensée un peu objective de quelque chose qui peut pas être objectivé en fait, alors que ce qu'on essaye de mettre en valeur, c'est aussi d'une certaine façon, il me semble, c'est aussi d'une certaine façon, c'est la place de l'architecte et son rôle. C'est-à-dire qu'il a une sensibilité, et si on l'induit à aller penser l'ambiance au sens large à travers cet outil qui se focalise sur le sonore. Mais justement, ça serait ça l'idée. C'est de partir du sonore comme piste et d'aller induire à la pensée de l'ambiance et du coup d'aller interroger la subjectivité du concepteur. En fait, quel potentiel pour la conception, donc c'est plutôt du côté du concepteur, c'est ça? C'est ça, okay. Exactement. Ensuite, donc pour la question du sujet, ben en fait ça se recoupe un peu, la question du sujet, et donc du coup, c'est donc du coup la même chose. J'avais noté, il n'y a pas d'ambiance objective. C'est vrai que il me semble qu'il faut faire le postulat, du coup, c'est pas vraiment une hypothèse, il faut partir du postulat que on s'adresse à des gens qui vont concevoir l'espace, et donc qu'ils ont déjà une posture de sujet dans leur processus de conception, dans leur place de concepteur. Alors après, ça vient questionner la place de l'expert, et tout ça, c'est encore autre chose. Mais si on fait ce postulat-là, ça me semble intéressant justement de dire que l'architecte ou l'urbaniste, c'est aussi un être humain, avec des subjectivités et des sensibilités propres. Et donc, justement, la place du sujet est primordiale, en fait. Même si il est seul et qu'il va concevoir pour plusieurs, donc c'est là où, effectivement, il y a peut-être quelque chose à aller voir, mais c'est une question très très vaste qui existe depuis longtemps. Mais c'est vrai que c'est une piste qu'il faudrait peut-être que j'amende mes questionnements avec ça, pour savoir comment on va articuler à la fois le sujet du concepteur et puis les autres sujets qui vont aussi vivre cette chose-là. Il y avait une autre question, c'est ça? Mais j'ai oublié, je n'ai pas dit. Non, c'est bon. Non, c'est ok. Le sonore constitue une ressource pour la conception sensible de l'espace comme une hypothèse. J'aurais pensé que c'était plutôt un cadre théorique qui commence à être bien établi et auquel le réseau, entre autres, a largement contribué. Et il me semble que la vraie hypothèse, c'est celle sur les outils numériques, c'est celle que vous me présentez en deuxième. Donc voilà, je ne suis pas une spécialiste et vous êtes suffisamment nombreux du réseau pour avoir un avis là sur cette question-là. Mais bon, voilà, je trouve ça quand même un petit peu étrange au bout de 30 ans de présenter ça comme une hypothèse. Et ma demande de clarification, enfin d'un petit peu de complément, j'ai bien compris l'idée d'interaction entre les différentes composantes de l'ambiance, on va dire, l'intégration des différentes composantes en entrant par le sonore. J'ai moins bien compris, c'est parce que l'outil est toujours correspond à ce que l'idée que je me fais de vos travaux. Il faut qu'il intègre évidemment une dimension quantitative, mais une dimension qualitative. Et j'aimerais savoir un petit peu plus dans la manière dont il est étalonné sur le qualitatif, étalonné, ou comment il intègre les résultats de recherches précédentes. Pour définir justement cette dimension, prendre en compte cette dimension. Alors pour la première question. Et j'ai juste voulu commencer, j'ai oublié de le faire, par vous remercier pour votre présentation qui était très claire, même si elle avait évidemment. Merci. Alors pour la première question, pour l'hypothèse, peut-être que je l'ai mal présentée, parce que l'idée c'est pas de faire l'hypothèse que le sonore est un élément sensible de l'espace qu'il faut prendre en compte. Mais vraiment de postuler, enfin pas de postuler, de faire l'hypothèse qu'on peut l'utiliser, on peut partir de ça pour donner des intuitions et des intentions de conception sensible. C'est-à-dire qu'on partirait des interrogations sur le sonore pour ensuite proposer une interrogation plus globale sur sur l'ambiance, en fait, sur l'association des différents phénomènes qui créent ambiance. peut-être que la formulation est un peu n'est pas très claire, mais après, à mon sens, il me semble que ça n'a pas été vraiment, en tout cas encore proposé, mais peut-être que je me trompe. Ensuite, pour la seconde question, alors je vais répondre assez rapidement. On mise principalement sur l'oralisation pour permettre, donc forcément, comme vous l'avez dit, il y a du quantitatif. Parce qu'on va mesurer des, par exemple dans un modèle 3D qu'on va faire entendre, on va mesurer des distances, on va calculer des types de matériaux, des volumétries, etc. Ça c'est évident. Mais c'est pas forcément ça qui va ressortir de l'outil. Ce qui va ressortir de l'outil, c'est simplement du son, en fait. Et c'est là où on mise sur le qualitatif et sur justement la posture du sujet par rapport à l'artefact. C'est-à-dire qu'il y a un sujet qui va entendre ce qu'il dessine. Et pas simplement voir des chiffres. Et donc, il va être capable d'éprouver de manière un peu subjective la qualité des espaces sonores. Plutôt que de devoir les lire sur des graphiques et donc de manière objective. Entre guillemets. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Il va entendre les sons dans un espace particulier. Dans le... Qui peut changer. Voilà, peut c'est varier, ça. Donc, qui peut varier. Mais il va écouter, par exemple, si... Mais dans un espace suffisamment neutre pour que l'espace dans lequel il est n'afflue pas sa perception... Ah, les conditions d'écoute. Bah, les conditions d'écoute, après, ça peut être au casque ou effectivement en salle aménagée, etc. Oui, c'est quand même lourd. Je sais pas, on écoute pratiquement tous de la musique au casque. On a pratiquement tous un port jack, même si ça tend à disparaître aujourd'hui. Non, bah après, c'est vrai que les conditions d'écoute peuvent faire varier les choses, puisqu'elles vont, si on écoute dans un espace particulier, ça va faire varier l'espace. Après, on mise quand même sur des caractéristiques sonores qui peuvent potentiellement être un peu caricaturales. C'est-à-dire que si on est dans un environnement sonore urbain et qu'on l'écoute dans notre bureau, par exemple, on va tout de suite être dans une écoute complètement différente, on va sentir l'espace qu'on conçoit ou qu'on modélise. Je ne sais pas si je suis clair. Mais c'est pas une contradiction avec cette notion d'interaction entre les différentes dimensions de l'environnement. Oui, parce que les autres ne sont pas présentes, c'est ça. On l'isole. C'est justement là où on est aujourd'hui la question, et de se dire comment on va inciter. On règle un peu cette question du quanticali un peu trivial, et on se pose la question de comment on va aller inciter à penser les autres phénomènes d'ambiance. Mais j'ai pas encore une réponse claire et nette là-dessus. Hein. Bah, tout à fait. Ouais. Il est déjà les prémices qu'on a développées, ils sont déjà aujourd'hui en open source. Et c'est effectivement évident que ce qui va sortir de ce travail. Alors pour préciser, l'idée c'est idéalement d'arriver à faire une boucle complète avec donc plusieurs itérations dans le développement de l'outil, et puis une boucle complexe générale pour tester notre hypothèse. À partir de là, on espère avoir quelque chose qui soit quand même relativement fonctionnel, puisqu'on aura fait plusieurs itérations. Et c'est déjà fonctionnel en fait, mais ça, il manque énormément de choses. Et donc effectivement, c'est et ça sera en open source et en ça sera libre de à la fois d'utilisation, mais aussi de transformation et de réappropriation, on va dire, sans limite. Quoi. La seule limite actuellement, la licence dans laquelle il est déposé, c'est simplement que si on le transforme ou qu'on l'utilise, il nous est imposé de le repartager de la même manière. On peut pas le vendre, quoi que ça. Si on le transforme ou qu'on l'utilise, on doit le redonner à nouveau. Quoi. C'est la 3 ou je sais plus. Enfin, voilà. Merci pour ta présentation, mais d'un côté, je suis un peu inquiet parce que je ne sais pas si j'ai l'impression que c'est un vaste sujet très important. Du coup, je me demandais si derrière l'espace sensible, il y avait un domaine d'application potentiel. Parce que je me dis, c'est quoi l'espace sensible? C'est où? Est-ce que par rapport à un outil, je me dis à quoi est-ce qu'on s'attaque? Je ne sais pas s'il y a une précision à donner sur un domaine d'application. Est-ce que c'est ciblé dans lesquels les gens vivent, fait que finalement ils ont une perception extrêmement différente de la notion de bruit, de dérangement, y compris avec l'âge, vieillissant, malheureusement je suis plus sensible au bruit et aux gens qui me discutent, par exemple, à un moment donné ça me dérange puisque j'ai du mal à me concentrer sur quelque chose. Donc comment est-ce que toute cette variance aussi éventuellement est rentrée dans cette notion de qualité, à la fois entre les individus, leurs origines, partout, et puis culturellement aussi. J'ai des amis africains, beaucoup, eux, ils aiment bien qu'il y ait du bruit, ils aiment bien que ça piaille, alors que nous, on est beaucoup plus en silence. Du coup, ça les dérange presque un peu quand ils sont ici. Tout est trop silencieux, les gens parlent assez fort, au moins. Bon, voilà, c'est juste quelques questions. Je me demande comment est-ce qu'on apprécie tout ça dans un outil numérique. Et si, écoute, ça a mesuré, c'est bien, pourquoi tu n'as pas bien. Alors, pour la question de l'espace sensible, c'est une très bonne question. C'est peut-être effectivement pas le long terme, mais il faut que je revoie ça. C'est ce que je disais justement, cette problématique, ce titre, c'est sans doute. Ça va sans doute changer, il va sans doute y avoir des modifications. Excuse-moi, tu as montré à moi des salles de spectacle. Oui, non. C'est justement de ne pas considérer l'acoustique des salles comme... Alors effectivement, c'est une discipline particulière qui nécessite beaucoup de précision et donc c'est important qu'elle existe. Mais c'est pas de considérer l'acoustique des salles comme une acoustique différente de l'acoustique de la rue ou de l'appartement, ou, etc. Je pense que c'est un peu une posture un peu importante. Après, pour répondre sur la question des variabilités culturelles... Je pense qu'il y a un énorme marché sur les questions de la nuisance. Mais c'est pas du tout le sujet, non, justement. C'est justement de... bah, peut-être c'est aussi le contre-pied de ça. Mais... Pour répondre donc sur la question culturelle, j'en reviens un peu à la recherche et ce qu'ils sont, parce qu'elle est basée là-dessus, notamment. Elle annonce que donc déjà les terrains ont été faits sur un axe nord-sud qui part de l'Europe du Nord avec Stockholm et qui va jusqu'à l'Espagne avec Pamplune. Et l'idée c'était justement d'étudier les caractéristiques sonores de différents écoquartiers en Europe et d'arriver à en ressortir des caractéristiques à la fois spécifiques et à la fois générales. Et ça se base sur quoi ? Ça se base sur le fait qu'on s'est rendu compte que, qu'aujourd'hui, les outils de conception sonore, entre grands guillemets, partagés par tous, et c'est des outils qui tendent à homogénéiser l'ambiance sonore dans les quartiers contemporains, et à ne pas prendre en considération les variabilités culturelles. Donc, c'est-à-dire des outils tels que... je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça des outils d'ailleurs, mais c'est-à-dire... essayer d'éloigner un maximum les infrastructures des bâtiments sensibles, mettre des bâtiments moins sensibles entre les bruits des transports et les bâtiments sensibles, fabriquer des protections, favoriser la présence du végétal et des sols plutôt végétaux ou naturels. Il y a deux stratégies, c'est se protéger des bruits des infrastructures et faire émerger les bruits de la nature et de l'humain. C'est les deux grosses stratégies. Et en fait, on s'est rendu compte que ça a tendance à homogénéiser l'ambiance sonore. Et donc, l'idée d'un outil comme ça, c'est justement de dire, on peut peut-être proposer autre chose pour l'ambiance sonore que simplement des clés qu'on applique et qui donnent des résultats quantitatifs, justement. Et donc, voilà. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais en tout cas, c'était vraiment une des thématiques principales de la recherche Esquisson. C'est pour ça que je réponds avec elle, parce qu'il me semble que justement proposer un outil qualitatif, ça permet de prendre en considération les différentes cultures et de se rendre compte que effectivement, quand on a les enregistrements qu'on a fait à Stockholm ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on a fait à Pamplune, par exemple. Ouais. Je t'entends pas très bien. Pour justement tirer cette conclusion, pour pouvoir entendre ce son, je pense que vous avez donné, quel matériel aussi, parce que c'est Alors, d'un point de vue technique, en fait, aujourd'hui, actuellement, l'outil, il est assez basique. On travaille, on est à l'échelle de l'îlot urbain et on peut positionner des sources, qualifier les matérialités et positionner le point d'écoute en mettant des filtres et des masques. Ensuite, par la suite, l'idée, c'est justement de s'approprier cette question de l'algorithme, en tout cas de l'utiliser, et donc en fait de plutôt fonctionner avec des éléments qui peuvent constituer un algorithme. Alors par algorithme, c'est simplement ce que je veux dire par là, c'est juste qu'on va, par exemple en programmation visuelle, on va faire un script et on va être capable de, si on a envie d'entendre un espace fermé, on va simplement avoir à constituer notre script pour qu'on entende un espace fermé, et inversement, on peut faire la même chose avec un espace ouvert. Et qu'on puisse ajouter des briques, en fait, un peu à la façon d'utiliser les techniques que propose Grasshopper, c'est-à-dire d'utiliser des briques. Et en composant ces briques-là, on va avoir un résultat sonore, en fait, et plus seulement visuel modélisé. Mais techniquement, c'est vraiment de proposer une articulation forte entre la programmation visuelle qui permet de faire de la 3D, de la modélisation 3D, et la programmation visuelle qui permet d'entendre. Et donc, en articulant ces deux pensées-là, on va pouvoir entendre ce qu'on dessine. En fait. Je ne sais pas si c'est clair, mais après, c'est vrai que je n'ai pas mis d'image, mais pour ceux qui ne connaissent pas Grasshopper, c'est un logiciel de programmation visuelle, et en fait, on fonctionne avec de la donnée, donc comme une ligne de code. Sauf qu'au lieu de rentrer nos codes et nos fonctions et nos valeurs, nos variables, elles sont déjà présentes sous forme de blocs dans un immense inventaire du logiciel. Et on a simplement à glisser les blocs dans le canevas et à connecter les blocs entre eux, comme on le ferait dans un code de programmation, mais là, en visuel. En fait. Voilà, ça c'est pour la partie un peu plus technique. C'est, en fait, l'homogénéité, je ne sais pas s'il y a vraiment une homogénéité dans l'acoustique des salles, parce qu'il y a quand même un travail assez incroyable qui est fait. Et souvent, les salles sont toutes différentes, avec des qualités qui leur sont propres, et puis il y a des typologies, etc. Mais je ne sais pas si en acoustique des salles, on peut parler d'homogénéité. Par contre, ce que je disais par rapport à l'homogénéité de l'environnement urbain et architectural, c'est plus lié au fait que, justement, on fonctionne avec des solutions toutes faites parce qu'il y a un consensus de ce qui marche et de ce qu'il faut utiliser pour penser le sonore dans la conception. Et ces solutions toutes faites, elles génèrent l'homogénéité nécessairement parce qu'il n'y en a pas pléthore et qu'en fait, au final, on fait tous... Enfin, ce qui est proposé, c'est un peu toujours la même chose. Là, l'idée, justement, c'est de ne pas fonctionner avec ces astuces, ces outils astuces, mais vraiment de permettre une liberté totale dans la conception spatiale et modélisée qui ensuite va impacter sur le son qu'on entend. C'est-à-dire qu'on ne va pas choisir entre positionner l'école à 100 mètres ou à 500 mètres du bâtiment d'habitation, ou alors mettre entre les deux un parc, etc. Et donc on a ces solutions-là, on va le tester, on va essayer, et ben peut-être qu'en se mettant avec telle orientation, tel angle, ben voilà, pour parler concrètement, on va être en possibilité de faire ce qu'on veut, en fait, comme avec un crayon et un papier. Simplement, on va entendre ce qu'on dessine. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, c'est ça. C'est en ça qu'on sort de l'homogénéité. On sort des solutions toutes faites qui sont limitées, en fait. Est-ce que d'autres personnes veulent poser une question ou en rajouter? Oui, non, j'aime bien les questions. C'est bien de tester une présentation. On en a parlé hier. Je pense que effectivement, il faut insister sur l'idée que c'est très novateur comme approche sur d'autres plans. Premièrement, prendre le son comme vecteur de l'approche de l'ambiance pour différentes raisons, c'est qu'on intègre une dimension temporelle, sociale, spatiale, qui sont toutes extrêmement importantes dans l'approche de l'ambiance. Et que, d'autre part, depuis effectivement les travaux antérieurs du Tresson sur le son, on a toujours constaté que c'est une dimension sensible qui arrive en dernier ressort et rarement en premier ressort dans les processus de conception et d'évaluation. Et donc, en inversant et en disant le son est une dimension initiale, ce qui peut paraître complètement un peu provocateur, eh bien, en même temps, ça permet de poser tout un tas d'autres questions sur d'autres dimensions de l'ambiance. C'est pour ça que c'est cette inversion-là qui peut être une piste pour arrêter de faire en sorte que cette dimension qui est toujours aussi importante, on remarque sur la culture, etc., sont bien connues, mais bon, on n'a toujours pas compris pourquoi elle était aussi oubliée dans la conception de l'espace, que ce soit au niveau urbain, au niveau architectural, voire à des échelles plus fines encore. Et puis, deuxième chose, et c'est vrai, c'est une autre hypothèse forte qu'on fait depuis un moment, c'est de pas séparer effet par effet sensible les choses qu'on a pu faire et d'essayer de trouver des systèmes intégratifs à propos de l'ambiance, qui n'est pas une mince affaire, bien entendu, mais comme le rappelait ce collègue à côté, il y a eu des travaux dans les neurosciences, dans les sciences cognitives, dans l'approche d'autres dimensions qui montrent justement ces interactions assez intéressantes entre les perceptions, les systèmes de mouvement. D'ailleurs, à ce propos, l'outil en question intègre l'oralisation dans le mouvement. Donc, il y a aussi cette idée-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment une petite. C'est quand même un décalage assez important par rapport à ce qui a pu être fait auparavant, en se basant sur le projet Esquisson, qui a permis, avec toute l'équipe qui a participé, à la fois dans l'exploration in situ, pour dégager les bons paramètres. Ce mot est un peu déterministe, mais bon, il en faut, et vécu par rapport à des choses qui sont quand même réduites, et tu l'as rappelé, et on a travaillé sur les interfaces, tout simplement, qu'est-ce que c'est qu'un bâton aujourd'hui, sachant notamment que, justement, avec les phénomènes climatiques, etc., l'usage des extérieurs, intérieurs, c'est un peu devenir une plus-value intéressante, bon bref, je ne vais pas dire. Mais donc, voilà, alors ça, je pense que c'est donc deuxième point, l'outil numérique, c'est vrai qu'il y a l'appropriation de ces systèmes paramétriques, qui par ailleurs ont pour intérêt d'être partageables et non pas réduits à des sociétés de communication particulières, permet justement aussi cette collaboration à partir de plusieurs ressources d'argent dans le monde, d'ailleurs, qui s'intéressent à des choses comme ça. Et donc de mettre en œuvre, de tester des choses là-bas, de rester dans son coin. Donc ça, je pense, c'est aussi intéressant. C'est une évolution qui est liée à cette évolution numérique et aussi à l'offre de ces systèmes qui permettent d'agréger, de faire fonctionner différents paramètres ensemble. Ça, c'est quand même assez aussi nouveau. Donc voilà, tout ça, il faut s'en saisir pour pouvoir avancer et penser. qu'on pense que le son existe. Voilà. Et c'est un vecteur inhabituel, mais justement, ce désautomatisme de la conception qui va remettre en cause tout un ensemble de préconceptions, parfois, ou de choses qui sont arrêtées à l'avance, qui sont re-questionnées. Tout ça, c'est la dynamique, je pense, à cette idée de. Effectivement, comme l'a dit partir du sensible pour aller vers l'objet et non pas l'inverse. D'accord. Voilà, et je pense aussi que ce qui est intéressant, c'est de ne pas faire un outil comme tu as dit déterministe, mais qui fait une part entre le déterminé et l'indéterminé, et qui avance un peu par les logiques floues parfois, et donc qui permet là de s'inscrire précisément dans un espèce de conception, je pense, qui est assez typiquement architectural, c'est-à-dire qui procède par. Approche par esquisse, voilà, le mot esquisse qui est important, pour accéder vers l'objet final. Voilà, c'est un peu tous ces enjeux-là qui sont cristallisés dans ce travail, qui a pour originalité effectivement de prendre pour méthode la mise au point de l'outil et même le corpus, quoi, un peu particulier, mais je pense que c'est aussi intéressant d'inventer des manières de travailler, notamment pour les doctorants en archi, ou pour d'autres d'ailleurs, de tester des modes d'approche qui constituent en même temps leur objet, mais qui en font en même temps une possibilité de retour et de progression. Voilà. Juste une relation. Je suis toujours un peu curieux de l'outil numérique et notamment paramétrique. Bon, je sais qu'on en a déjà un peu discuté les années précédentes. Quand on parle d'approches qualitatives comme le social, etc., pour le sonore, je suis toujours un peu curieux de savoir comment on arrive à modéliser avec l'algorithme qui est quelque chose de très très quantitatif. Parce que c'est des paramètres chiffrés, enfin quantifiés, toutes ces approches plus qualitatives. Et je voulais savoir comment tu abordais ça. Je suis pas sûr que l'enjeu, ça soit d'intégrer ces paramètres-là dans l'outil numérique. Je pense que l'enjeu, c'est plutôt que l'outil numérique permette la conception ambientale par la prise en compte du sonore. Mais c'est pas de mettre en place, de mettre dans l'outil les enjeux sociaux, les enjeux culturels, etc. Mais ça, ces enjeux-là, c'est aussi le rôle de l'archi de les considérer. L'idée, c'est plutôt que ça. Enfin, il me semble que l'idée, c'est plutôt que ça soit une aide, une piste, mais qui va pas du tout faire des études de algorithmique sur les rapports humains et culturels de l'espace. Je pense que vraiment, c'est absolument pas l'enjeu et c'est vraiment pas ce que je veux défendre. Voilà. Mais... Pour compléter, parce que ce que je comprends, c'est que c'est plus fait pour stimuler l'imaginaire, justement, que les archives en stop, que de faire rentrer dans la machine des questions de société ou de temporalité prévisible ou réaliste, tu vois, qui du coup générerait parce que ça marche pas. C'est pas une vraie visée. Je pensais même à des choses de l'ordre du ressenti, comme disait tout à l'heure Thierry, où on peut avoir des ressentis tous différents, et c'est aussi généralisé par un outil. Mais ça se partage. C'est des outils.